Everybody. Trop longtemps, 100 fois trop longtemps que je suis tout seul à fumer jusqu'au bout du filtre blanc, chaque menthol. Regarde l'océan qui convole avec les yachts de ces millionnaires débonnaires qui pissent le ventre à l'air dans la mer. Si tu suis mon regard, tu verras les doutes. Des gens qui partent tard, tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et commence chez moi. Come on, Mr. Moretti. Cent fois trop longtemps que je suis tout sale, que j'attends quel que soit le temps qui m'est fatal, que je regarde un grand mur blanc qui se décale. L'amour est un éphémère glacé vert qui casse. suis mon regard, tu verras des plaines. Des taxis et des gares, gare à la migraine. Tu verras tout vermeil, tu verras tout plus bas. Tu liras tout vers laine, tu rentreras chez moi, oui, chez moi. Come on, Moretti. Avec Mister Donati au drum. Là, ça envoie du jam. Ça groove. Trop longtemps, 100 fois, trop longtemps que je suis tout seul. Trop longtemps, 100 fois, trop longtemps que je suis tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Si tu suis mon regard, tu verras des plaines. Des taxis et des gargares à la migraine. Tu verras tout vermeil, tu verras tout plus bas. Tu iras tout vers l'Inde, tu rentreras chez moi, oui, chez moi.